perdre du temps. Le temps c'est de l'argent, j'ai vite perdre du temps. L'heure sur le cadran, indique 6 heures du mat. Appel en absence, faut que j'appelle pour la. J'aime pas les gus qui regardent bizarrement. Après sa bite, j'suis en voiture allemande. J'achète, j'la rappelle si ça manque. Plus jamais j'me fais lever à 6 heures 30. Non. Jamais. Plus jamais. Impossible de dormir, j'ai pas sommeil. Des millions de vues, mais j'suis solo à l'hôtel. J'te rappellerai plus tard, j'dois charbonner, ouais. Autour beaucoup de vautours malhonnêtes. Sacré de tester la merde quand t'étais pas là. J'ai plus d'inspiration, j'prends ma voiture, j'fais le tour de Panama. J'suis loin des strass, des paillettes entre eux et moi, un décalage. C'est d'où j'viens, y'a pas de fame, pas de tapis rouge, pas de stress. Deuxième album, obligé de faire du sein. Le temps c'est de l'argent, j'ai vite de perdre du temps. L'heure sur le cadran, indique 6 heures du mat. Appel en absence, il faut que je rappelle pour la. J'aime pas les gus qui regardent bizarrement. Après ma bitch, j'suis en voiture allemande. J'achète, je rappelle si ça manque. Plus jamais je me fais lever à 6h30. Non. Jamais. Plus jamais. Cheveux jaunes, j'ai la coupe de feu. Gros pilon, je lui mets coups de flamme. L'après-midi, j'esquive les bleus. La nuit, je sers des coupes de femmes. Ils parlent d'argent, ils ont pas percé. Non, à 14 ans, je me faisais sucer dans les toilettes du KFC. Je veux pas percer. Tu crois que tu vas me choquer, la Mila? Je fais qu'en fumer la vida. Club de que je lui mette sa part. Je regarde son car, ressemble à Mila. Je veux plus de condé, je veux plus d'enfer. Je traîne en classe S, en classe affaire. Je veux choquer, je regarde la mienne. Je repense à quand j'ai déporté. Deuxième album, obligé de faire du sein. Le temps c'est de l'argent, j'ai plus de peur du temps. L'heure sur le cadran, indique 6 heures du mat. Appel en absence, il faut que je rappelle Paula. J'aime pas les gus qui regardent bizarrement. Après ma bitch, j'suis en voiture allemande. J'achète, j'la rappelle si ça manque. Plus jamais j'me fais lever à 6h30. Non. Jamais. Plus jamais.